Bonjour, donc Patricia, vous m'entendez? Non? Là, vous m'entendez? Bon, Oui, très super. bien. Donc Patricia, alors moi, je vais plutôt vous parler d'un monsieur qui s'appelle Janusz Korczak, qui est un monsieur polonais et qui a énormément travaillé sur les enfants en très grande difficulté dans un contexte de guerre, à savoir en 1878. Lui, il est né en 1878 en Pologne. Et ce monsieur, il était médecin. Et évidemment, malheureusement, il a fait la guerre et il s'est rendu compte que les premiers concernés par les conflits, c'était les enfants. Et il s'est dit, la première chose à faire, avant de faire autre chose, c'est de s'occuper de tous les enfants et de les protéger contre la guerre. Donc il a ouvert des orphelinats. Donc il a ouvert deux orphelinats, un orphelinat à Varsovie. Et dans cet orphelinat, il ne s'est pas contenté de donner à manger et donner un toit aux enfants. Il a aussi donné la parole aux enfants. Donc ça veut dire que dès les jeunes années 1917, Korczak était un des premiers éducateurs à donner la parole aux enfants. Aujourd'hui, la parole, elle est très peu donnée dans les collèges, les lycées. On fait participer, mais on ne donne pas la parole. Alors, je vous ai distribué des petits textes. Korczak, c'est le précurseur. Alors, vous voyez, là, j'ai mis une affiche. Pardon, monsieur. J'ai mis une affiche, je vais vous lire d'abord le premier texte. Avant que vous lisiez vos textes, hein, voilà, j'ai un petit jeu. Je vous lis le premier texte. Vous dites, c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez, parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit. Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt le fait d'être obligé de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de s'étirer, de s'allonger, de se hisser sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. Donc, voyez la conception de Janusz Korczak, c'est de dire l'enfant, il faut se mettre à sa hauteur, à la hauteur de ses sentiments. Il faut l'écouter, il faut savoir l'observer, il faut prendre son temps. Hein, il ne faut pas intervenir comme des. Oh, je sais pas comment, je vais pas donner de mots. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est Korczak, il était médecin, mais il ne voulait pas être pédagogue. Il refusait le mot pédagogue. Pour lui, il était éducateur, et il était éducateur avec une équipe. Il était hors de question dans son orphelinat de travailler seul. La femme de service, comme l'ensemble de l'équipe, tout le monde participait à la vie de l'internat, de l'orphelinat. Donc chacun avait son mot à dire. Quand un enfant arrive, donc il y avait un conseil d'autogestion fait avec les enfants et les adultes. Et chacun avait la parole. Il y avait un parlement à l'intérieur de cet orphelinat, et c'est le parlement qui faisait les règles de vie de l'orphelinat. Et les règles de vie étaient évolutives, c'est-à-dire qu'elles s'adaptaient au contexte. Elles n'étaient pas écrites une bonne fois pour toutes. Ça, c'est des choses que les adultes ont du mal à comprendre. Une règle de vie, elle s'adapte aux enfants. Oui, excusez-moi. Les enfants chez Korczak participaient à toutes les initiatives et les adultes étaient comme les enfants. C'est-à-dire une voix d'enfant égale une voix d'adulte. Une fois que ce Parlement des enfants, il faut se rappeler, hein, c'est 1917 hein, pour Korczak. Donc ça veut dire que c'est il y a très longtemps. Quand un enfant arrivait à l'orphelinat, par exemple, et on l'appelait l'encombrant. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il arrive dans un nouveau lieu, il arrivait de la rue et il arrivait dans cet orphelinat. On lui offrait un toit. Et évidemment, le gamin, il avait plutôt l'habitude, ben voilà, de quémander, de se battre. Et donc, il était pris en main par un tuteur, par un ami, qui l'aidait à s'organiser, à prendre des marques. Et au bout de 3 mois, tous les adultes, tous les enfants devaient dire, eh bien, un tel, on est content de l'avoir dans l'orphelinat, ou bon, on trouve qu'il n'a pas vraiment fait d'efforts. On plébiscitait. C'était vrai aussi pour les adultes. C'est-à-dire qu'un adulte qui rentrait dans l'orphelinat, donc aujourd'hui, imaginez, un enseignant rentrerait dans un collège, il serait plébiscité par les collégiens. Donc ça, c'est un concept tellement, allez, révolutionnaire que c'est inimaginable aujourd'hui. Enfin, je suppose, ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment? Il y a quelques projets aux États-Unis où les étudiants notent leurs profs, mais ça se fait plutôt. Alors là, ce n'est pas l'idée de noter. Chez Korczak, il n'y a pas la note. Chez Korczak, c'est lié à l'humain. C'est montrer que l'individu a de l'humanité. Donc dans cet orphelinat, tous les adultes, qu'ils soient, quel que soit leur âge, et les enfants, participaient à tous les services, c'est-à-dire le ménage, ranger la chambre, faire la cuisine, en fait, toutes les tâches étaient organisées à l'intérieur de l'orphelinat et tous les jeunes pouvaient s'inscrire sur un tableau et ils pouvaient échanger. C'est-à-dire qu'on avait, on appelait ça les tractations. C'est-à-dire qu'ils pouvaient échanger le service vaisselle contre le service de ménage. Vous voyez, c'était l'idée qu'on pouvait, ben voilà, rien n'était fixé à l'avance. Il y avait également, ce qui était très très drôle chez Gortschak, c'est quand des enfants se battaient, ils devaient se donner un rendez-vous. C'est-à-dire quand ils avaient un compte à régler, ils devaient dire, voilà, je te donne rendez-vous pour me bagarrer avec toi. Ce qui fait que ça différait l'envie de se bagarrer, et puis quand ils arrivaient au bout de 3 jours, ils ne savaient plus très bien pourquoi ils devaient se battre, et du coup la bagarre était une bagarre sympathique. Vous voyez, chez Gortschak, il y avait cette idée, il n'avait pas envie de punir, c'était pas son truc. Il disait, ça sert à rien de punir, de toute façon, des bêtises, on en fera tous, qu'on soit petit ou qu'on soit grand. Donc l'idée, c'était de pardonner. Donc il y avait par exemple un tribunal des pères. Alors le tribunal des pères, c'était un tribunal fait par les enfants avec les adultes. Quand un enfant avait fait une bêtise, il passait au tribunal. Gortschak avait imaginé 1000 articles. 1000 articles avant d'être exclu. Vous voyez, donc avant d'être exclu de l'orphelinat, il fallait avoir, avoir fait une faute tellement grave qu'on en arrivait au 1000e article. Tous les articles étaient faits pour pardonner l'enfant. C'est-à-dire l'enfant disait, je ne connaissais pas la règle, c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès. Gortschak disait, c'est vrai, tu n'as pas fait exprès, tu connais pas la règle. Cette fois-ci, on te pardonne, mais la prochaine fois, attention à toi. S'il refaisait la bêtise, l'enfant disait, bah oui, je me souviens, tu m'as dit que je n'ai pas respecté la règle, j'ai fait la bêtise. On lui disait, écoute, cette fois-ci, on ne pardonne pas, on va te donner une tâche à faire dans l'orphelinat. Vous voyez, il y avait une gradation, mais il n'y avait jamais une sanction. On essayait de faire réfléchir. Alors, voilà, je vous donne des idées. Alors, Gortschak, si vous voulez, c'est pas. Il a pensé à tout. Il a pensé au tribunal, il a pensé au conseil d'enfants, il a pensé au journal. C'est-à-dire qu'il dit, il n'y a pas un établissement sans un journal. Un journal, c'est la vie du groupe. On doit écrire tous les jours ce qui se passe, c'est la mémoire du groupe. Un enfant qui a réussi, un enfant qui a un petit chagrin, un enfant qui a fait une découverte, on l'écrit dans le journal. Ça valorise tout le monde. Il y avait aussi une boîte aux lettres. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'avait pas envie de parler à un adulte, il pouvait mettre dans une boîte aux lettres ce qu'il pensait de l'adulte ou d'un copain. Et on a ouvert la boîte aux lettres et on pouvait répondre à l'autre camarade. Vous voyez, il y avait plein de systèmes comme ça. Donc, vous avez des questions parce que c'est vrai que ça paraît utopique, mais ça ne l'est pas du tout. Hein. C'était vraiment une république d'enfants faite par des enfants qui étaient des enfants des rues. Donc aujourd'hui, on a des enfants des rues. Hein. Je veux dire, on a des enfants roms, on a des enfants syriens. Tous ces enfants-là, on pourrait les protéger, les mettre dans des lieux où, avec eux, on pourrait faire, non pas de la protection, ça sert à rien, mais de l'éducation au sens fort. C'est-à-dire qu'ils ont une parole, ils savent chanter, ils ont des compétences. Arrêtons d'être toujours sur le dos des enfants et rendons-le vraiment acteurs. Ils sont capables vraiment d'une justice. Ils sont capables de justice, hein, contrairement à ce qu'on croit. Attention. Alors, je vous ai donné un petit texte. Tout le monde a son texte? Non, le monsieur, il n'a pas de texte. Jean-Baptiste, il ne te reste plus de texte? Pourquoi je vous ai donné un texte? Parce qu'en fait, Gortschak, c'est pas un théoricien. C'est pas un pédagogue. Il n'a pas écrit une méthode. Ce qu'il a écrit, c'est des pensées. Et il dit, tout le monde peut avoir des pensées. Tous les jours, quand il rentrait de l'orphelinat, il écrivait ses pensées. Et je vous ai donné une pensée à lire. Et je vais vous demander de nous dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez réagir, alors je sais que certaines personnes trouvent que Gortschak est un grand utopiste. Certains pensent que Gortschak donne trop de droits aux enfants. Donc moi, dans mon idée, c'est qu'on en discute. Gortschak disait toujours, les droits de l'enfant, c'est les devoirs des adultes. Il n'y a pas de droits d'enfant sans les adultes qui ont des devoirs. Avoir des droits de l'enfant, c'est pas laisser faire l'enfant. C'est lui permettre de grandir dans un contexte de sécurité, de conseil, d'écoute et de bienveillance. Hein, chose qu'on oublie aujourd'hui dans l'éducation, on oublie que l'enfant, c'est un enfant. L'adolescent, c'est un adolescent. Il a le droit de faire des bêtises. Aujourd'hui, un enfant qui laisse tomber un crayon, c'est conseil de discipline. Non, je veux dire, on laisse tomber un crayon, ça serait bien simplement de lui faire la remarque que la prochaine fois, il fasse attention. Mais on va vraiment des fois trop loin. On est très loin. C'est bon? Vous voulez réagir? Bon, moi, ce qui me frappe de façon extraordinaire, c'est la parenté avec la pédagogie de Célestin Freinet. Donc, je voudrais savoir s'il y a eu des rapports d'une façon ou d'une autre. Alors, vous avez raison de parler de Monsieur Freinet, mais moi qui ai fait de la pédagogie Freinet, Freinet, lui, c'est dans l'école. Alors que Korczak, lui, c'est les enfants de la rue en orphelinat. Donc c'était plus un éducateur social qu'un enseignant. Freinet, c'est l'éducation. Et chez Freinet, c'était plutôt... Alors souvent, les enseignants Freinet, c'est pareil, ils oublient que Freinet, pendant la guerre, il avait fait un orphelinat et il avait mis en place des systèmes pour que les enfants soient autonomes. Les enseignants, ils ont un vrai défaut, c'est qu'ils prennent juste le fonctionnement de Freinet sans prendre la pensée de Freinet. C'est pour ça que moi, je veux pas que vous preniez les idées de Korczak. Ce que vous, je voudrais que vous compreniez, c'est que pour changer les choses, il faut avoir des pensées fortes. Hein, je veux dire, c'est une pensée, c'est universel, c'est humaniste. Et aujourd'hui, les enseignants, ils s'accrochent à des dispositifs, à des moyens. Ça suffit pas. Il suffit pas d'avoir des moyens. Il suffit pas d'avoir des. Tout à l'heure, on posait la question des moyens. On peut avoir des. C'est bien sûr que c'est important d'avoir des moyens. Mais si on n'a pas en soi l'humanité de vouloir changer avec les enfants une relation de confiance, si on veut pas pour eux bah, qu'ils grandissent, hein, qu'ils soient grands et qu'ils deviennent voilà des gens. Moi, je me souviens d'une enseignante un jour qui m'a dit « Mais Patricia, pourquoi tu fais du théâtre avec eux ? Ce seront des ouvriers. » Mais ça m'a. J'étais très en colère. J'ai eu « Mais alors, un ouvrier n'a pas le droit de faire du théâtre ?» Vous voyez, ça met en colère. Donc, et d'ailleurs, je la remercie parce que du coup, moi, j'avais 16 ans à 18 ans, j'étais jeune institutrice. Ça m'a aidé cette phrase-là. Je me suis dit, eh ben, oui, je ferai du théâtre avec eux. Oui, je ferai de la littérature avec eux. Oui, je ferai du, voilà. Parce que tous les enfants, quel que soit leur niveau dans les quartiers, ont droit à tout. Hein, il n'y a pas que le 16e qui a le droit au théâtre. Vous voyez, il y a quand même, eh ben, chez Korczak, ce que j'aime, c'est ça, c'est cette humanité qu'il avait de prendre les enfants les plus en difficulté, les plus violents et de s'en occuper. Parce que personne ne voulait s'en occuper. Ben aujourd'hui, il y a des tas de jeunes qui sont en difficulté. On ne fait que les stigmatiser. C'est vraiment, voilà, c'est de la racaille. C'est... Mais arrêtez ! Non, c'est pas de la racaille. Non, c'est pas vrai. Ils ont une force extraordinaire. Ils ont des compétences extraordinaires. Mais on est toujours derrière eux. Alors, dis, fais pas ci, fais pas ça. Vous voyez, bon. Des fois, je suis très en colère. Sur les adultes, ils n'ont pas assez de patience. Ils laissent pas assez les jeunes. Ben oui, c'est vrai que des fois, ils parlent mal. Ben, on discute avec eux et au bout d'un certain temps, ça bascule. Au bout d'un moment, quand on leur fait confiance, ils sont dans la vraie échange. Mais il faut prendre son temps. Il faut être patient. Est-ce que quelqu'un veut lire son texte ou réagir sur son texte? Je vois que vous avez annoté. Je prends des notes sur ce que vous dites. Non, mais vous voulez pas lire le texte, vous l'avez lu? Oui. Et vous le trouvez bien? Le lire haute voix? Parlez bien en micro. Je pense que le premier et le plus indiscutable des droits de l'enfant est celui qui lui permet d'exprimer librement ses idées et de prendre une part active au débat qui concerne l'appréciation de sa conduite et de, si nécessaire, sa punition. Je suis un peu pris de court. Ça me rappelle d'abord une anecdote qu'on m'a fait part hier, juste hier, sur une expérience qui a été faite, je ne sais plus dans quel pays, d'apprendre aux enfants à vivre en communauté politique avec la création d'un ensemble de forums de discussion de parole où toutes les activités de la classe sont mises à discussion et à débat. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, Jonathan, décide de marcher librement dans la rue ou dans la classe, c'est soumis au vote de toute la classe et avec argumentation possible. Alors pourquoi est-ce que Jonathan n'aura pas le droit de sortir? Ah bah il va courir partout, il va dégrader les murs. Ah oui, mais tu penses que c'est son droit de pouvoir s'exprimer de cette manière-là? Ensuite une autre personne va rétorquer, il y a donc tout un échange et l'apprentissage du débat qui est proposé aux enfants avec des cartes de circulation, avec un tableau qui permet de faire des annotations de notes et je pense que dans ce texte là donc peut-être que voilà c'est que l'appréciation donc et prendre une part active au débat donc ce qui est très important je trouve pour l'enfant c'est de lui montrer non pas comme première approche du monde toutes les barricades, toutes les frontières et toutes les devoirs qu'on lui impose, mais de lui montrer tous les espaces de liberté qu'il peut occuper en faisant appel à son invention et à sa créativité dans le but de pouvoir prendre conscience de sa place dans le monde. Parce qu'un enfant ignore au départ la frontière, je pense, entre la magie, le réel et le surnaturel. Il y a sorte de de place à leur fantaisie qui les permet de remettre en cause toutes les stabilités qui ont été mises construites par les adultes. Et cette fraîcheur, qu'est l'imagination qui est propre à l'enfant, si dès son plus jeune âge est mise en lien avec l'apprentissage d'une forme de discussion de démocratie, je pense peut lui inculquer dès son plus jeune âge le goût de la parole, le goût de la confrontation avec des idées contraires, le goût de toujours remettre en question. Et je pense que c'est ce que ce texte essaie d'exprimer, c'est la faculté que nous avons de pouvoir apprendre à l'enfant dès son plus jeune âge la remise en cause et finalement éviter qu'il ait dès son plus jeune âge des stéréotypes mis en... Pardon. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais attention, Korczak, il parle bien. Je veux dire, je ne suis pas dans l'utopie, hein. Il parle d'invention, il parle de créativité, il parle d'acceptation de l'enfant tel qu'il est, mais il parle de démocratie et de cadre et de règles de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création et d'invention s'il n'y a pas de règles de vie mises ensemble et en accord dans son espace. Vous voyez, aujourd'hui, il y aurait on prend un centre de loisirs. Aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent dans le centre de loisirs, on a pensé pour eux les projets, on a pensé l'espace, on a pensé les couleurs, on a tout pensé. Du coup, les gamins, ils respectent quasiment rien, puisque tout est pensé d'avance. Mais si on, dans cet espace, on disait aux jeunes, voilà, cet espace, il est à vous, on va le réorganiser. On va, pour l'année, mettre en place un certain nombre de projets, ensemble, avec vous. Vous voyez, c'est pas le laisser faire, c'est ensemble, on construit des règles qui vont permettre à chacun de trouver sa place et tous d'être ensemble. Parce que le problème de la liberté au sens de la liberté et du droit, beaucoup d'adultes confondent liberté et droit et les devoirs de chacun. Vous voyez, chez Korczak, il y avait droit et devoir. Il y avait un système d'organisation où chacun pouvait avoir sa place sans prendre la place de l'autre. Et pourquoi dans la société c'est compliqué? Parce qu'il y a ceux qui ont le pouvoir de la parole, il y a ceux qui ont le pouvoir de la connaissance, il y a ceux qui ont le pouvoir de l'argent, il y a ceux qui ont le pouvoir du plus fort. Bien, c'est contre ça qu'il faut qu'on arrive à remettre en place une société. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est plus forte, on sait... Et comment on fait pour effectivement réguler l'argent, réguler le pouvoir de la connaissance? Que quelqu'un ait des connaissances, ça ne me gêne pas, au contraire. Mais que cette personne ne prenne pas la place. Et Korczak, il essayait de réfléchir à ça. C'est-à-dire comment chacun, à sa place, peut faire progresser le monde qui l'entoure dans le respect de l'autre. Korczak disait, il y a du respect. C'est pour ça qu'il faut faire attention au mot liberté. La liberté, ce n'est pas n'importe quelle liberté. Bien sûr que je suis d'accord sur la liberté, mais pas n'importe quelle liberté. Moi, quand mes jeunes ils viennent à l'association en disant « Patricia », et ils bousculent tout le monde, je dis « Non, Naïl, t'arrêtes. Ouais, je suis énervé. » D'accord, t'es énervé, mais tu tapes pas les autres. Et on en discute, vous voyez. Si la liberté, c'est la liberté de taper les autres, non, je suis pas d'accord. Mais on en discute, ensemble. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je voulais... Allez, voilà. Je vais lire le petit bout de texte et parce que en fait j'avais des remarques par rapport à ce que vous veniez de dire et enfin c'est lié, voilà. Alors là c'est le droit au combat. Pour régler leur querelle, en plus du tribunal, plutôt réservé aux problèmes de droit et d'injustice, les enfants avaient l'autorisation de se battre, à condition de respecter les règles. Il fallait être de force égale à son adversaire. Les armes et les coups dangereux étaient interdits. Il y avait aussi un registre des combattants, sur lequel il devait faire inscrire le nom de la personne avec laquelle il désirait se battre et pour quel motif. Ceci devait être fait avant le combat, mais au cas où des bagarres imprévues éclataient, on le faisait lorsqu'elles étaient terminées. Ce contrat admis et apprécié par tous éliminait pratiquement toute violence incontrôlée et rendait la vie bien plus facile aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Le droit au combat ainsi utilisé sécurise les enfants tout en laissant une issue aux pulsions agressives et aux ressentiments accumulés. Alors, en fait, l'impression que ça me donne en lisant ça et par rapport à ce que vous avez dit avant, c'est que pour moi, j'ai plus l'impression que c'est pas un respect de l'un de l'autre, mais un respect de la vie en communauté. Donc, en fait, je trouve que c'est une société. C'est une société, quoi, en fait, une société humaine avec ses lois, avec ses interdits, avec vous parlez pas de sanctions, mais quand on parle de tribunal et qu'on dit vous allez avoir des tâches, ça ressemble quand même à des formes de sanctions. Donc, je trouve qu'en fait, c'est pour moi, ça me donne l'impression si je peux terminer, ça me donne l'impression quand même d'être quelque chose de très rigide, avec beaucoup de discipline, et que finalement, c'est quand même la loi du nombre qui va primer, pas l'interaction entre deux individus. Et voilà, et donc pour moi, je vois pas trop où il peut y avoir créativité, où il peut y avoir espace de liberté. Et même si, bien sûr, toute vie en communauté demande à ce qu'il y ait des règles, etc., je vois pas trop en quoi ça pourrait être différent de ce que la société fait déjà, quoi. Voilà. Alors, je vais vous répondre parce que s'il y a bien quelqu'un qui respectait l'individu, parce que chez Korczak, il respecte l'individu et le groupe. Et l'individu vit en groupe. Nier le fait qu'on vit en groupe, c'est quand même un peu compliqué. On est en groupe. C'est inévitable. Ou alors on va dans sa grotte. Dire de Korczak qu'il donne des sanctions, c'est bien. Il y a bien une personne qui ne donnait pas de sanctions, c'est Korczak. Le problème, c'est qu'effectivement, je ne peux pas, en une heure, vous raconter 20 ans de sa vie. 20 ans de quotidien avec des orphelins, des enfants qui tous les jours sont avec lui, avec des femmes et des hommes qui ont tout fait pour écouter les enfants. Je veux dire, c'est le problème des expériences éducatives. Hein. Vous savez bien que c'est long, c'est comme Freinet. Freinet, il y avait des règles aussi. Montessori, il y a des règles. C'est pas le problème de la règle, c'est le problème de la gestion, de la relation entre l'adulte, par exemple, chez Korczak. C'était tellement important que toutes les relations adultes-enfants, elles étaient négociées dans le tribunal pour éviter que l'enseignant soit autoritaire et tortionnaire et maltraitant. Et lui, il parlait de violence institutionnelle. Vous voyez, c'est quand même un des premiers qui a parlé de violence institutionnelle. C'est énorme. C'est pour ça que, évidemment, qu'aujourd'hui, je fais des raccourcis, mais prenez le temps d'y réfléchir. Je pense qu'il y avait chez cet homme une humanité. De toute façon, moi qui vis avec des jeunes, ils sont dans mon espace, on est ensemble, et on fait tout pour pouvoir vivre ensemble et se respecter. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir laisser sa place à l'autre. Donc, du coup, il y a des règles. Mais il n'y a pas de sanction. La sanction, c'est on en discute. Et la sanction des enfants, elle est simple. Hein. Bon, pas Patricia, cette fois-ci, tant pis, on le laisse de côté. Non, on ne laisse pas de côté. Il discute. C'est la parole. Ce que vous disiez, argumenter. C'est par la parole. Vous savez, c'est quand même compliqué. La citoyenneté, ça ne se gagne pas comme ça. Hein. C'est des années et des années. Ça serait trop simple. La démocratie, ça ne se gagne pas comme ça. Enfin, moi, vraiment, je ne pense pas qu'en chaque, ce soit quelqu'un qui sanctionne. S'il y a bien quelqu'un qui ne sanctionne pas, c'est lui. Parce que quand il met un code avec 1000 articles et que jamais aucun enfant n'est sanctionné et que chaque enfant sait pourquoi il est entre guillemets, en plus en général il sortait du tribunal, c'était bon, t'as fait telle bêtise, il suffisait qu'il argumente, on lui disait ben voilà, tu t'aurais pas dû le faire, il repartait, point. C'était juste inscrit dans le cahier. Vous voyez, la sanction c'était juste l'inscription dans il est passé au. Mais on s'en fiche après, ça passe. C'est comme toutes les bêtises, on en fait, ça passe. Chez Korczak, il disait, les choses, elles passent. Mais, elles passent, mais on en parle. Et c'est pas que l'adulte qui en parle avec l'enfant, ce sont les enfants entre eux. Donc les sanctions, elles étaient faites en accord, selon le code. Et vraiment, le pardon, il allait jusqu'à l'article presque 650. Je sais pas si vous voyez comment Korczak, il avait imaginé les choses pour ne pas sanctionner. Donc il a tout fait pour ne pas sanctionner. Donc il s'invente un code de 1000 articles pour que la sanction elle arrive vraiment entre 900 et 1000. Il faut vraiment avoir été au bout pour. Hein, vous voyez. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon, j'essaye de répondre. par rapport à ce que vous présentez qui paraît idyllique, du coup. Moi, je voudrais savoir comment ces institutions, en fait, ont évolué. Est-ce qu'elles existent encore? Combien de temps ça a duré? Le problème de Korczak, c'est qu'il a été malheureusement déporté, exterminé par les nazis, et avec ses 200 enfants de l'orphelinat, il a été donc exterminé à Treblinka. Donc, du coup, vous voyez là. Mais Korczak, il n'a pas abandonné les enfants. Il est resté avec les 200. À 3 jours, malheureusement, de l'extermination, il a continué à faire du théâtre. Il a continué à faire. Il a continué même dans cette au ghetto, parce qu'en fait, il a travaillé au ghetto de Varsovie. Donc, je veux dire, c'est pas n'importe quel contexte. Vous voyez, on est dans un contexte de guerre, Aujourd'hui, les pensées de Korczak, elles ne sont pas mises en valeur. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas. Justement, c'est trop, ça remet trop en cause. C'est trop compliqué. Personne ne veut entendre les pensées de Korczak. Korczak, il n'est quasiment pas connu. Il est connu. Il a été connu en 1979, quand on a parlé de la Convention des droits de l'enfant, et que c'est grâce à ses idées, parce qu'il avait fait une convention en 1924, où il parlait de droit à l'amour, droit au secret, droit d'avoir des petits problèmes, parce que lui, droit à un chagrin. Hein, des choses simples chez les enfants. Hein. Et cette convention, il y a quelqu'un qui a dit, il faudra en faire une vraie. Et il a fallu quand même 30 ans pour faire une convention internationale des droits de l'enfant, qui n'est pas une convention pour donner des droits aux enfants, tu fais ce que tu veux et tu marches librement dans la classe. Enfin, je veux dire, le problème, vous voyez, c'est des droits au sens, droit d'être protégé contre la maltraitance, droit d'être protégé contre le travail, droit d'être protégé en temps de guerre, le droit de ne pas être violé, le droit de ne pas être... Vous voyez, c'est des droits juridiques. Et les adultes, ils ont tellement confondu les droits juridiques qu'ils disent, oui, mais alors, si les enfants ont des droits, et nous, alors ben, vous, vous êtes des adultes, vous êtes bien plus grands, vous avez bien plus de choix de débattre, vous avez plus de mots, vous avez plus d'expérience, vous êtes plus fort, vous êtes plus grand. Les enfants, ils sont pas grands. Donc, ils ont le droit d'être protégés. Bon, je suis un peu passionné, hein, bon. Avant de lire mon texte, je dirais que nous aussi, en tant qu'adultes, on a aussi le droit d'être protégés contre les abus de pouvoir de nos dirigeants. Et... Oui, mais qui n'est pas appliqué, même s'il figure parmi la Constitution. Mais le texte qui nous doit nous protéger, c'est pas la Charte des droits de l'enfant, ça devrait être la Constitution. Or, comme les constitutions, justement, maintenant, ont toujours été écrites par les gens contre lesquels elles devraient nous protéger, on n'est pas protégé contre la Constitution, par la Constitution. Et c'est pour ça qu'il faudrait que nous en écrivions une, tout comme avec égalité et également... Oui, ah bah, très bien, bah, voilà. C'est dans la même logique, et y compris le fait d'associer les enfants à ça, c'est aussi les préparer à leur vie de citoyen, pour qu'ils puissent être associés à l'écriture de la Constitution. Parce que, tout comme vous avez dit que c'est important que les droits de l'enfant, ça doit être évolutif et pouvoir être remis en cause, une Constitution aussi, il faut que ça s'adapte non seulement à la société, mais aux desiderata des nouvelles générations à chaque fois. Alors, pour ça, maintenant je vais en arriver à lire mon texte sur le respect dans la relation aux petits enfants. Comment lave-t-on les visages après les repas ? Est-ce qu'on les débarbouille en vitesse, tout en discutant avec sa collègue de la prochaine activité ? On pourrait dire son collègue, d'ailleurs, il ne faut pas être sexiste. Et si laver le visage était en soi une activité qui a sa beauté et sa valeur ? Les enfants plus âgés peuvent le faire tout seuls, tout en montrant aux petits, de façon respectueuse, comment s'y prendre. Alors effectivement, moi, ça me rappelle mon expérience de père, moi, qui ai deux jumeaux, qui ont maintenant 30 ans, garçon et fille. Et à chaque fois que je leur donnais des directives et tout ça, je tâchais toujours à toujours leur expliquer pourquoi et à leur demander s'ils avaient compris, même quand ils pouvaient pas encore s'exprimer, mais je posais quand même la question, et je pense que c'est une façon, moi, de me rebeller contre ce que j'avais vécu étant enfant, quand on me disait fais comme ça, et quand je demandais pourquoi, parce que c'est comme ça, voilà. Et je voulais refuser complètement cette logique là et je voulais pas appliquer ça pour mes enfants, donc je suis rentré tout à fait dans ça, et ça, c'est ce que vous dites là est un prolongement, et le travail que je fais, ce que je viens de dire aussi sur la Constitution, puisque je suis dans la commission Constitution de Nuit Debout, c'est un prolongement de ça, voilà. Je continue, vous avez un texte? Par contre, je ne vais pas dire. Ça fait rien, mais c'est... Alors, c'est... C'est une réflexion philosophique de Korczak. Souviens-toi que des mots peuvent faire mal, qu'ils peuvent cogner et t'occasionner des plaies. Ben là, je suis d'accord avec lui. Donc là, c'est... On reste dans le cadre, on va parler pour l'enfance. Oui. L'enfance, ni plus ni moins, c'est pour moi. Et d'ailleurs, quand je vois ces... Korczak, ce qu'il a mentionné, l'enfant ne devient pas un homme. Il en est déjà. Un. À mon niveau, c'est l'enfant et l'adulte, il n'y a pas de frontière. C'est un être tout à fait, il peut réfléchir, il peut proposer, il peut agir, il est capable. Mais malheureusement, les adultes, donc, ils essayent de les mettre de côté. Bon, comme comme tu l'as évoqué, ils sont pleins d'imagination. Oui, c'est vrai. Et l'adulte aussi, il est plein d'imagination. Mais par contre, on a mis des barrières. Bon, comment on va faire pour donner cette chance à cette enfance pour qu'il puisse intégrer l'environnement et surtout devient acteur? Est-ce qu'on leur a donné la chance? Je ne crois pas. Mais revenons juste à la phrase. Souviens-toi que des mots peuvent faire mal. Oui. Quand on voit les enfants, allez, des Roms ou les Syriens ou les enfants des quartiers en difficulté, on leur envoie toujours à leurs origines ou toujours ils les considèrent comme des sauvages. T'es pas capable. T'es un enfant d'un ouvrier. T'es un enfant d'un immigré. Donc, déjà, ils nous ont mis dans des cases. On n'a pas le droit à la culture, au théâtre, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Ça, on le vit. Mais bien sûr, des mots cognent, ils marquent. Et on le voit qu'il y a pas mal de jeunes qui sont révoltés. Alors, on parle. Ils ont du mal à s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas acquis un nombre suffisant des mots. Et parce qu'ils n'avaient pas le droit, voilà, à acquérir cette compétence. Bien sûr que les mots font mal. Et il y en a qui gardent des plaies. Hein, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? On leur donne des choses, des chances, et mettre les moyens adéquats. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a les enfants du 16e, ils ont droit à tout. Pourquoi? Parce que c'est une caste, les élites. Et ceux qui sont périphériques, ben, ils ont droit à rien. Donc là, c'est ce qu'on appelle le retour de flamme. C'est à force de les stigmatiser, les mettre en communauté, on leur restreint leurs droits, bah bien sûr qu'ils deviennent violents, enragés. Mais ça, ils expriment, voilà, c'est leur mécontentement. Mais c'est leur façon d'agir de la sorte. C'est malheureux, mais j'espère qu'on va changer les choses. Je l'espère en tous les cas. En tout cas, je vous remercie de de ce que vous avez dit, parce que c'est important de le dire. On l'oublie. On oublie qu'il y a comme ça des quartiers, des endroits complètement ghettos. Hein, bon, il y a des ghettos du 16e, mais il y a des ghettos aussi. Bon, nous, on vient de quartier. Hein, moi, je viens de Danemarie-Lélis, avec les violences. Tout le monde nous dit les quartiers, c'est pas bien. Je pense que ça serait bien que de temps en temps, Nuit Debout aille dans les quartiers. Ça serait bien de voir, vous voyez, parce que il se passe des choses intéressantes. Vous voyez ça, par exemple, je le dis là comme je pense, mais Nuit Debout dans les quartiers, pourquoi pas? Ouais, mais pas dans les quartiers. Ben, où alors? Ouais, Saint-Denis, Pantin, ouais. Ouais. Mais il faut que ça se développe partout. Et justement, par rapport à ce que disait la jeune femme, là, apprendre, avoir des mots, débattre. C'est en débattant qu'on trouve les mots. Au début, on parle avec son émotion. Après, on parle avec sa passion. Puis on commence à avoir des arguments, puis on commence à savoir pourquoi on parle. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai pris le micro, le micro, il tremblait. Mais j'étais tellement passionnée que c'est parti d'un coup. J'avais pas les mots, hein. J'avais pas les mots, parce que à l'époque, dans les années 70, c'était les universitaires qui parlaient. Hein. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est bien, vous parlez. Nous, on avait un mal fou. C'était d'abord les hommes qui parlaient, et les filles, bon, déjà, on n'avait pas trop la parole. Et pour avoir la parole, il fallait être un peu universitaire. Sinon, on parlait pas vraiment. Donc aujourd'hui, pourquoi je suis venue ici? Parce que je savais qu'il y avait de la parole qui circulait. Je savais qu'il y avait des gens complètement différents. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une différence. On n'est pas dans l'entre-soi. D'ailleurs, on voit, chacun dit des choses différentes. On est d'accord, pas d'accord. Et c'est ça qui est bien, c'est de ne pas être d'accord aussi. Bon, après, moi, j'essaye d'expliquer avec mes tripes ce que je pense. Mais on peut ne pas être d'accord. C'est ça qui fait la force d'un pays, hein, aussi. Monsieur voulait dire quelque chose, je crois. On m'a fait remarquer que la mairie de Paris installe un tas de trucs, ce qui prouve que le mouvement au départ a dû beaucoup gêner. Je crois que s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, il va disparaître petit à petit. Donc je pense qu'il faut ameuter beaucoup de monde, il faut obliger la presse à venir, il faut montrer comment on détruit exactement comme ils ont essayé de détruire des droits qui sont là depuis le Front Populaire, et il est important de savoir qui nous dirige. Car je pense qu'on devrait obliger à faire des enquêtes sur les individus qui se présentent aux élections. Et ça, je crois que c'est une chose qui est primordiale, car je peux vous raconter, je me bagarre d'ailleurs contre un monsieur qui est un des favori des prochaines élections présidentielles. C'est un monsieur que j'ai été voir un jour et je lui ai dit, voilà, je viens vous apprendre qu'un PDG a pu être tué parce qu'il a voulu intervenir tout simplement dans des escroqueries qu'il y avait dans une banque. On a vite classé l'affaire. Et lui, moi, la seule chose qu'il a su me dire, il était au RPR à l'époque, il m'a dit, il faut d'abord prendre une carte du RPR. À quoi tient un procès en France ? Alors je suis prêt à le dénoncer, j'ai porté plainte contre un magistrat, un haut magistrat, patron de Versailles, et un juge d'instruction, qui est Charpier, qui est connu. Et ils ont tout simplement détourné la loi, il suffit qu'il transforme la plainte, comme il est le patron de la juridiction, on est obligé de passer quand même par là où on porte plainte, et ils ont transformé cette plainte en plainte contre X, et comme ça, ça leur permet de la faire traîner le temps qu'il faut, et ils concluent à des faits prescrits. Voilà. Revenir au sujet, juste. Oui, non, mais ça fait partie du sujet. Est-ce que quelqu'un veut lire un autre texte ? Non, moi j'en ai un que j'avais envie de lire, c'était un petit peu pour une réponse. Puis je vous donnerai la parole, si vous voulez. Alors, non, je mets mes lunettes. Voilà ce que dit Gortschak. Je n'ai pas de recette miracle. Voilà, déjà un, je n'ai pas de recette miracle. Si vous copiez ce que je fais, vous faites la plus grosse erreur de votre vie. Donc voilà, ce n'est pas un exemple ce qu'on donne. Parce que chaque enfant est unique, vous devez trouver sa singularité, vous adapter à lui, à ses conditions de vie, à son environnement. Voilà une réponse de Gortschak. Vous voyez, elle est... Et chez Gortschak, comme ça, il a écrit une vingtaine de livres qui sont encore pas aujourd'hui traduits du polonais. Mais il a écrit comme un journal. C'est sa vie, tous les jours, des petits mots. Et il nous dit, c'est une belle leçon, chaque jour, écrivez des phrases sur vous, sur Nuit Debout, sur vos amis. Et vous verrez, vous allez avoir des pensées aussi fortes que lui, hein, parce que c'était pas un... Bon, c'est quand même venu quelqu'un d'universitaire à la fin. Mais je trouve que ses pensées, elles sont simples, elles sont humanistes, elles sont universelles, elles sont fortes. Moi, elles me résonnent. Quand je vois chaque enfant est unique, je dis oui, c'est vrai, chaque enfant est unique. Et on est dans une société où, et c'est là où vous avez raison, il ne faut pas que la société, elle l'enferme. Comment on fait pour que chaque enfant unique rentre dans cette société qui doit être le plus imaginatif possible? Et c'est ça notre débat, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est beau, c'est ça le challenge. Sinon on ne serait pas là, sinon ça ne serait pas compliqué, sinon on n'inventerait pas une constitution, sinon on ne ferait pas... Il y a un débat en ce moment sur... Il y a des gens qui disent la démocratie c'est de la merde. C'est terrible d'entendre ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements politiques, c'est vrai qu'il y a des charlatans, mais ce n'est pas la démocratie qui est en cause. La démocratie, c'est l'idée qu'effectivement, on est ensemble et qu'on parle et qu'on prenne la parole. Après, il y a de la démocratie manipulée. Moi, je parle de la vraie démocratie. Il faut la réinventer. Alors. Je n'ai pas l'habitude. Il y avait un monsieur, je crois. Ah, d'accord. Moi, je veux bien intervenir sur la démocratie, parce que la démocratie, c'est pas simplement la parole, hein, parce que sinon, après, c'est cause toujours tu m'intéresses. Donc je rappelle qu'en France, on n'est pas en démocratie, hein, on est d'accord, et que la démocratie, c'est déjà, bon, pour truc simple, je ne vais pas faire un discours pendant des heures, truc simple, c'est, y a trois choses à retenir, c'est mandat impératif, révocable, voilà, mandat impératif, révocable, non renouvelable et rotatif, voilà, si déjà on a ça, on fait tourner le pouvoir, etc., mandat impératif, alors je répète, mandat impératif, non révocable, non renouvelable et rotatif. Voilà. Oui, effectivement, mais si on prenait l'idée de Gortschak, le plébiscite, hein, on met quelqu'un en place et au bout de 3 mois, on décide qui reste ou qui ne reste pas. C'est ça le plébiscite de Gortschak, c'est de dire au bout de 3 mois, bah, celui-là il n'est pas capable, et bien il s'en va. Et on met quelqu'un d'autre, le plébiscite. Donc il avait déjà réfléchi, lui, à ce qu'on appelle la représentation. Il n'est pas à sa place, et bien on met quelqu'un d'autre, tant pis. Et le plébiscite, c'est tous les gens, le peuple, les enfants dans un collège, les lycéens dans un lycée, je veux dire, voilà, il faut réfléchir à toutes les formes dans tous les lieux. Hein, attention, une constitution, c'est un pays, mais c'est des lieux de vie. Donc il faut bien faire la différence entre la constitution d'un pays et après les constitutions des lieux. Donc il y a des débats à avoir là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut encore... prendre la parole, oui. Il y a un point sur l'écriture de la Constitution. En fait, bon, on sait que pour l'écriture de la constitution qu'on a maintenant, il y a eu un énorme problème, c'est que les communistes et le peuple, en fait, ont été écartés de l'écriture de la constitution. Les communistes parce que bon, il y avait une peur, enfin, avec le contexte, enfin, qu'on connaît, etc. Et le peuple, juste par peur du peuple. Et donc, notamment aussi les universitaires. Et donc, du coup, est-ce que pour cette constitution que qu'on va écrire, est-ce que il y a déjà une idée de comment intégrer les universitaires à l'intérieur, parce que ce serait bien d'éviter de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire ou écarter totalement peuple, ou écarter totalement les universitaires, mais justement faire quelque chose ensemble. Donc voilà. Je ne vais pas vous répondre sur la Constitution parce que je ne suis pas dedans. Donc c'est pas moi qui mets en place. Je pense qu'il y a quel est le responsable de la Constitution ici ? Ben, il est parti. Mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça. Puisque vous êtes à nuit debout, c'est tous les acteurs qui doivent se prendre en charge. Si vous commencez à dire comment vous allez faire, c'est que vous vous incluez pas. Ah non, mais je vais vous lire quelque chose sur les mots, parce que quelqu'un m'a parlé des mots. Vous ne pouvez rien construire avec des mots. C'est le monsieur qui m'a parlé tout à l'heure des mots. Mais sans eux, vous ne pouvez mener à bien aucun travail. La parole est votre alliée, elle n'est jamais votre remplaçante. Vous voyez l'importance des mots. Quand on dit comment vous allez faire, non, c'est comment nous allons faire. C'est pas comment vous allez faire. Vous voyez, ça a l'air tout bête, hein, c'est une histoire de grammaticale, mais c'est pas grammaticale du tout. C'est comment nous allons faire. À partir du moment où on pose la question vous, c'est qu'on s'exclut du processus de changement. Donc soit on est dans le changement, soit on l'est pas. Vous êtes ici, vous êtes dans le changement. Si vous êtes juste ici pour écouter les gens qui parlent comme moi, ça a aucun intérêt. Enfin, sincèrement, je vous parle, je parle bien parce que je suis passionnée, mais c'est pas moi qui vais faire le changement, c'est vous. Donc la Constitution, c'est pas 2-3 personnes qui vont la faire. La Constitution, voilà, à 2 ou 3. D'accord. Bon, ben vous rediscuterez de la Constitution plus tard. Hein. Attendez, il y a 3 personnes. Je viens vous répondre parce que quelque chose m'a frappé, c'est sur ce que vous avez dit sur ce personnage que je ne connaissais pas. Je vous dis franchement, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Qui a fini dans les camps de concentration. Bon. Ce qu'il y a surtout, est-ce que vous pensez... Je pense que les enfants réagissent en fonction de leur milieu, quel qu'il soit. Qu'ils viennent d'un milieu aisé, qu'ils viennent d'un milieu en bas, ils se rencontrent entre eux, ils ont des pensées, et ils réagissent en fonction de ce qu'ils ont autour d'eux, et suivant l'influence qu'ils subissent aussi. Donc, est-ce que vous trouvez normal quand même qu'on puisse organiser, même en combat loyal, on peut expliquer à un enfant, bon, si vraiment un jour tu as un coup de nerf et tu te bats avec quelqu'un, faut que tu ne peux pas battre contre un plus petit que toi, tu peux pas. C'est une chose, je crois, qui est dans toutes les écoles, je crois, qui est un peu partout. Quand on est digne de ce nom, quand on enseigne, je pense que c'est une chose. Mais je pense qu'au contraire, il faut leur apprendre l'harmonie entre eux. Je crois que c'est une chose qui est très importante. Donc ça m'avait énormément frappé tout à l'heure, mais j'étais dans mes pensées, je m'en excuse. Allez-y, c'est amusant comme nous les adultes, on va demander aux enfants de leur apprendre à ne pas se bagarrer alors qu'on a des guerres partout. Non. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de l'humanité. L'humain, il a malheureusement en soi des émotions, de la violence, etc. Donc tout notre problème à nous dans le vivre ensemble, c'est de négocier, d'argumenter, de débattre, d'apprendre avec des mots à parler. Quand on tape, quand on se bat, c'est qu'on n'a plus les mots. Quand on se met en colère, c'est qu'on n'a plus les mots. Moi, combien de familles j'ai vues en colère contre des profs parce qu'ils n'avaient pas les mots pour dire. Parce que pour dire à un enseignant, il faut bien parler, hein, sinon... Donc les mots... Il faut les avoir. Une fois qu'on les a, après, moi j'ai vu des enfants se battre parce qu'ils étaient incapables de dire ce qu'ils voulaient. Alors nous, à nous de leur apprendre que la bagarre, effectivement, c'est pas terrible, c'est pas bien, mais ça existe. Enfin, je veux dire. Donc qu'est-ce que fait Korczak ? Lui, il dit, ben voilà, vous vous bagarrez en égal à égal, vous différez la bagarre. Différez, c'est important de différer. Hein, aujourd'hui, on va se fâcher tous les deux, on se revoit 4 jours. Je vous donne rendez-vous dans 4 jours au bar et on va rediscuter. Vous aurez oublié, moi j'aurais mis de l'eau dans mon vin et on va rediscuter tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire, le fait de différer. Donc ça, c'est des petits trucs. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de... Quand il y a des gens qui sont en violence, on essaye de faire que, bah, voilà, de les séparer, bon, de les mettre chacun dans un coin, et puis de retrouver un espèce d'équilibre. C'est pas simple. Mais bon, moi, sur les bagarres, je pense que j'ai toujours vu mes élèves se bagarrer. Mais à un moment, quand on était dans les projets, dans le vivre ensemble, ils finissent par faire autre chose que se bagarrer. Vous voyez, après, ils pensent à autre chose. Oh, l'harmonie, oui, bien sûr. J'ai été enseignante dans les quartiers pendant plus de 35 ans, oui. Il y a bien vraiment, sincèrement, moi qui étais dans les quartiers, j'ai rarement vu beaucoup d'enfants se bagarrer. Contrairement à ce qu'on... Quand on me dit... Non, mais je veux dire, j'ai pas vu beaucoup de bagarres. Hein. Il y a eu des bagarres autant qu'ailleurs. Et les adultes aussi sont injustes. Ce qu'on va faire pour leur apprendre, si vous voulez, à les amener à avoir de l'harmonie, peut amener quand même des changements. Et je pense quand même qu'il y a une évolution dans le monde qui fait qu'il y a eu différentes étapes qui font que, bon, pour l'instant, bon, c'est vrai, les adultes, mais ils se battent ailleurs. Je crois que nous avons connu ça au Moyen-Âge. C'était pareil. Il y a eu les combats avec les religions, il y a eu des combats. On est quand même arrivé à une certaine harmonie, si vous voulez, enfin, à une entente, qu'elle soit déformée. Je réponds à ce que vous avez dit, la Constitution existe, les lois existent, mais c'est un problème d'individu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais exprimer, voilà. Donc, je pense que pour l'instant, c'est des pays moyenâgeux qui sont encore dans le Moyen-Âge, qui vont évoluer beaucoup plus vite parce que nous avons, il y a les médias, il y a différentes choses, et que petit à petit, je pense que ça, c'est une chose qui se contrôlera peut-être tôt ou tard. Tôt ou tard, je le pense, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Alors, il y a les mots, c'est vrai, si on maîtrise le langage, il y a les mots M-O-T-S, ils vont mieux les mots que les mots M-A-U-X. Quant à la Constitution, alors il est question de 6e République ou de Constituante. Moi, je me sens franchement incapable de me mettre à faire ça. Vraiment, je me sens incapable par rapport à ça. Quelqu'un d'autre, je crois, ouais. Merci, madame. Rebonjour, monsieur, dame. Ouais, c'est vrai que la violence, c'est pas bien. Mais moi, personnellement, à l'école primaire et au collège et au lycée, je me tapais avec mon meilleur ami qui est devenu mon meilleur ami. monsieur Mehdi, ma fille. Donc on splitait tous les jours parce que toujours des fois c'était lui qui gagnait, des fois c'était moi. Et un jour on est tombé amoureux de la même femme. Et après on a elle nous a convoqué, on a sympathisé. Et elle est sortie ni avec moi ni avec Mehdi. Mais plus tard elle est sortie avec Mehdi. Et ça c'est une bonne chose. Mais ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Vivre en harmonie, c'est excellent. Avoir le sourire dès le matin, aller au travail, faire un travail qu'on aime bien, c'est très important. Et voilà, bah, j'espère qu'il y aura la paix dans le monde et la France, elle changera. Elle sera encore mieux qu'elle l'est. Et voilà. Merci à vous. Ben, je crois que pour revenir au sujet des enfants, je pense que si on veut que la Constitution soit vraiment intéressante, il faut commencer à toutes les étapes de la vie, c'est-à-dire de la maternelle au collège, au lycée, et trouver dans tous ces lieux des capacités à faire que l'enfant il trouve sa place, soit acteur. Alors certains diront citoyen. Citoyen, c'est déjà trop grand. Un enfant citoyen... Korczak, c'était l'ultime de l'ultime à la fin au bout de 4 ans ou 5 ans d'orphelinat. Je veux dire, c'est un apprentissage, la citoyenneté. Comment, aujourd'hui, on dit l'enfant citoyen. D'accord, mais l'adulte citoyen, il est où? Hein, donc, voilà, ça s'apprend, c'est long. Et chez Korczak, il dit, voilà, la justice, ça s'apprend. Le Parlement, ça s'apprend. La Constitution, ça s'apprend. Tout s'apprend. Quand il dit s'apprend, ça veut dire ensemble, on fait, on réajuste, on adapte, on recommence, on remet en cause. Rien n'est amovible. Enfin, on est toujours en train de se poser des questions. Il faut douter. Alors, je vous lis un autre texte, parce que je préfère parler pour Korczak. C'est au sujet des adultes. Nous n'aimons pas que les enfants nous critiquent. Ils n'ont pas le droit de relever nos erreurs ou nos incohérences. Nous nous présentons à eux sous l'apparence de la perfection. Nous jouons avec eux en utilisant des cartes truquées. Tricheurs que nous sommes, nous battons les cartes de manière à nous distribuer les meilleures. Nous gagnons contre les enfants grâce à nos atouts d'adultes. Voilà, donc une autre phrase. Alors certains vont dire, ah, voilà, ça y est. Mais bon, c'est vrai que les adultes, il faut qu'ils jouent leur rôle d'adultes. Ils ont un devoir d'être avec certains enfants, de les écouter, de les observer, d'être attentifs à leurs besoins, à leurs compétences, à leur imaginaire. À nous, hein, je pense que vous avez dû parler tout à l'heure de pédagogie alternative, hein, donc où on laisse une place à l'enfant, à sa création. Eh bien ça, pour le moment, quand on aura des espaces plus ouverts, démocratique, c'est compliqué. Je ne sais pas si on peut dire démocratique pour les enfants, mais en tout cas plus négocié. Hein. Peut-être qu'on pourra, à chaque étape de notre vie, faire que les enfants, plus tard, se battront pour une bonne constitution. Nous, on a des élèves qui sont passés en classe Freinet. 20 ans après, ils viennent nous revoir en disant « Mais Patricien, c'était super ce qu'on faisait. Pourquoi c'est pas comme ça dans la société ?»« Ah bah oui, les jeunes, mais... » Voilà. Et bah oui, parce que si ça se faisait partout, bien sûr qu'on y arriverait. Mais c'est que des petites bulles. Il faut que les bulles, ça fasse écume et que l'écume, il fasse tempête, comme on dit. Hein. Alors évidemment, des fois, il faut que les changements, pour transformer le monde, il faut que ça bouge. Donc là, ça bouge un peu partout. J'espère que ces petites bulles-là, qui partout, vont se mettre ensemble et faire quelque chose de grand. Mais ça se construit. Je voudrais rebondir alors sur les deux choses. La Constitution, d'abord. Bon, la Constitution... Il y a plein d'idées. Hein. Il y a l'idée de tirer des citoyens au sort pour créer des citoyens constituants qui créaient la Constitution. Ils seraient tirés au sort. Ensuite, il y a des cahiers de doléances aussi. Il y a l'idée des cahiers de doléances. Ça, c'est ce qui se fait à Nuit Debout. Hein. Cahiers de doléances, ils parlent d'un tirage au sort aussi. Et puis, il y a un truc qui est vachement important, parce qu'on parle de créer une Constitution. Vous parlez de Nuit Debout, là. Il y a d'abord une chose qui est importante. Il y a une chose qui est super importante avant tout ça, c'est de créer le rapport de force. Parce que la Constitution, on va pas aller voir, on va pas la créer demain comme ça avec quelques personnes. Il faut que tout le monde se mobilise, quoi. Donc il faut arriver à mobiliser plein de monde. Hein, si on n'a pas les masses avec nous. Donc ensuite sur les enfants. À propos de la violence, je suis assez d'accord avec vous que la parole, ça permet de médiatiser la violence. C'est super important. C'est bien aussi d'apprendre les gens à la démocratie, etc. Alors, même faire des AG très jeunes, supprimer les notes, parce que les notes, ça les met en concurrence, évidemment. Hein. Et la concurrence, c'est pas bon, ils sont pas dans le partage, ils sont habitués à tu copies pas sur moi, etc. Et en plus, tous ceux qui ont des mauvaises notes, c'est des frustrés à vie, et voilà, ça peut engendrer de la violence aussi, ou des gens qui sont frustrés à vie, qui s'imaginent qu'ils sont nuls, alors qu'on peut reprendre les études à n'importe quel âge. Hein. Il y a personne qui est nul, ça existe pas. Ce que je voulais dire aussi, ce qui est vachement important, je pense, mais c'est assez bizarre, parce que des fois, dans une même famille, on peut apprendre à des enfants au respect, il y en a un qui va être plus violent que les autres, on sait pas pourquoi. Bref, il n'y a pas vraiment de règles, je pense, une théorie pure, quoi, enfin de règles générales, quoi, il y a toujours des cas particuliers. Hein. Mais je pense que quelque chose qui est super important pour les enfants, c'est leur apprendre les limites. Le gros problème, souvent, et je trouve dans notre société, c'est ça, quoi, l'absence de respect des adultes aujourd'hui, c'est quand ils étaient enfants, on leur a pas appris qu'on leur a pas appris les limites, qu'ils apprennent à s'auto-limiter, quoi. Ça, c'est super important, quoi. Et je pense justement le fait de faire des petits âgés avec des enfants, je pense que ça peut permettre aux enfants de s'apprendre à s'écouter, s'apprendre à se respecter. Voilà, les limites, je pense, que c'est super important. Et c'est le gros problème, c'est que les gens, ils apprennent pas, ils sont dans la toute puissance, quoi. Et ils restent dans la toute puissance. Et souvent les gens violents aussi, c'est des gens qui ont cette façon-là pour s'exprimer, pour exister, quoi. Donc ils s'expriment parce qu'ils sont costauds, ils sont grands, donc ils en profitent et voilà, ils mettent la pression aux autres. Et bon, voilà, quoi. Voilà, c'est juste quelques réflexions que je veux vous faire part. Très bien, c'est merci. Moi, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur la Constitution, je crois que je veux juste donner un exemple d'une récupération. Par exemple, on parlait des conseils de parole d'enfants. Ça s'apprend, je veux dire, être ensemble, prendre la parole, c'est pas une évidence. C'est pas évident, parce que par exemple dans un groupe comme ici, il peut très bien y avoir de la manipulation, il peut très bien y avoir de la prise de pouvoir, il peut très bien y avoir, vous voyez, c'est compliqué. Donc si on n'a pas appris, si on n'apprend pas à chacun comment circule la parole, ben, y a des enfants, ben, ils ne sauront jamais la prendre la parole, parce qu'ils diront on s'est fait manipuler. Moi j'ai vu des conseils d'enfants où c'est l'adulte qui disait aux enfants, faut que tu dises ça. Vous voyez, un vrai conseil avec une vraie participation des enfants, c'est quand il y a vraiment du respect. C'est-à-dire, si un enfant me dit, Patricia, aujourd'hui, t'as pas été sympa avec moi, je dois l'entendre. Je ne vais pas lui dire, bon, attends, redonne-moi le micro, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais lui dire après. Mais à un moment, il faut que les choses puissent être dites. Et moi, j'ai un peu peur toujours de la manipulation dans les conseils d'enfants. Et pour les conseils d'enfants, les parlements, les constitutions, ça demande une éducation qu'on n'a pas eue. En France, on n'a pas eu d'éducation participative. Donc là, on est en train de souffrir. Et comme le monsieur disait, moi, je suis pas capable aujourd'hui de... Ben oui, on n'est plus capable parce qu'on a été consensuel. Il fallait qu'on soit d'accord partout. Il fallait qu'on dise... Dès qu'on n'était pas d'accord, on était les méchants. Donc il faut qu'on réapprenne à être les méchants. Il faut qu'on réapprenne à dire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord avec les autres. Et ça, on n'ose plus aujourd'hui prendre la parole pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe ». Vous voyez, ils mettent en place des conseils citoyens. Tirage au sort. Très bien. Mais on tombe sur des personnes habitantes qui n'ont jamais appris à prendre la parole. Donc elles se font quasiment manipuler par le système. Les conseils citoyens, le tirage au sort, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est à la fois bien et c'est compliqué. Parce que l'éducation... Oui, vous voulez prendre la parole. Oui, je voudrais poser une question. Parce que moi, bon, l'enseignement, moi, je n'y connais pas grand-chose. Ce que je voudrais vous demander, quand quelqu'un se dirige vers l'enseignement, au moment où il a eu ses diplômes, est-ce qu'il y a une forme d'éducation qui lui est formée ou est-ce qu'il doit se débrouiller tout seul et qu'il va, en quelque sorte, vendre aux enfants ce qu'il ressent? Est-ce qu'il y a des programmes entièrement préparés ou est-ce que c'est le professeur qui décide de ce qu'il va faire? Comment est-ce que ça se passe dans l'éducation? Parce que ça doit être très important, ça. J'indique simplement qu'il reste à peu près 5 minutes, donc je laisse la réponse et après la dernière intervention et je vous laisserai conclure, Patricia. Je vais aller très très vite. Donc il y a eu des institutions de formation des maîtres et puis après on a réduit la voilure pour faire des économies. De toute façon, il y a quand même encore toujours des conseillers pédagogiques, c'est-à-dire que les jeunes collègues vont faire un stage chez des collègues aguerris qui vont leur passer les ficelles du métier. Juste sur la formation, j'aimerais quand même rappeler que c'est pareil, il faudrait que les enseignants, les parents, tous les habitants se mettent autour de qu'est-ce que c'est qu'une vraie formation d'enseignant. Quand on voit que ce qu'on appelle nos écoles supérieures, pour mettre en place les professeurs des écoles, sont des bâtiments fermés le week-end, alors qu'on cherche des lieux de discussion et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire des formations inter-acteurs, hein, on n'a jamais mis autour d'une table des éducateurs, des parents, des enseignants, où on le fait à la marge. Aujourd'hui, on a des lieux de formation. Arrêtons de faire un lieu pour les éducateurs. Arrêtons de faire un lieu pour les... Ayons des lieux collectifs. Vous voyez, déjà, on changerait les choses. On sépare, on fragmente, on stigmatise. Voilà, on est une société, on fait des cases. Et chacun reste dans sa case. Les enseignants du côté des enseignants, le primaire avec les primaires, les lycées connaissent pas les collèges. Enfin, c'est terrible. On est dans une société fragmentée. Et en plus, on l'accepte. On est dans les quartiers, on y reste. On est dans le 16e, on y reste. Ben, peut-être qu'il y a des gens intelligents dans le 16e qui pourraient peut-être nous donner un coup de main, et ceux du quartier qui pourraient peut-être aller voir ailleurs aussi. Vous voyez, on n'est plus capable aujourd'hui d'être assez malin pour sortir du système dans lequel on nous a mis. Donc il faut qu'on sorte de là. Et c'est vrai qu'on est dans une espèce de souffrance aujourd'hui parce qu'on manque de mots, on manque de moyens, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, c'est quand même terrible. Mais parce qu'on n'est pas prêt. Moi, je pense qu'on n'est pas prêt. Et comme dit le jeune homme là, à force de ne pas être prêt, faites attention, ça va exploser. Donc, attention. Il faut qu'on aille vers de l'éducation, de la culture, de l'intelligence. Il faut qu'on ait de l'intelligence pour éviter justement cette forme de violence qui monte. Non, non, non, rien n'est fait, rien n'est fait. Mais ça va mal puisque vous voyez bien qu'il y a plein d'enfants aujourd'hui, on lutte contre le décrochage scolaire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a 200 000 gamins qui sont sur le trottoir. C'est quand même pas normal. Dans une société où il y a les moyens, où il y a les écoles, où il y a les enseignants, où il y a la formation, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait autant d'enfants qui n'ont plus envie d'aller à l'école, qui n'ont plus envie d'aller au collège, qui s'y ennuient. Ça, c'est pas normal. Dans une société intelligente, oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enfants au collège. Avant, il y en avait combien qui allaient au collège? Il y en avait 1 sur 25 en CM2. Aujourd'hui, il y a une majorité d'enfants au collège. Et tant mieux. Mais que ce lieu soit un lieu éducatif, pas que ça soit pas un lieu répressif, que ça soit un lieu d'intelligence. Hein, parce qu'on est toujours en train de les stigmatiser, les gamins. Moi, je connais un collège, cette année, ils ont fait 50 conseils de discipline. Ben, si c'est 5, ben, c'est Korcha qui serait là, il serait révolté. Hein. Excusez-moi. En fait, j'avais l'impression, quand vous parliez, qu'il n'y avait rien qui était mis en place aujourd'hui dans les idées de cet homme-là. Et en fait, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de l'éducation spécialisée et de la prévention spécialisée, donc de tous les éducs de rue et de tous les éducateurs spécialisés qui bossent en foyer et qui respectent ces droits-là, ou du moins, ils font de leur mieux. Donc en fait, je voulais savoir. Là, vous êtes en train de soulever le problème, c'est Korczak. C'est le premier. Korczak, il n'a pas été connu dans l'éducation nationale. Il a été pris en compte par les éducateurs de rue. Ce sont les éducateurs de rue qui se sont emparés des pensées de Korczak. C'est les seuls qui aujourd'hui ont compris que Korczak, il avait des idées pour les gens des rues, pour l'enfance spécialisée. Et si, c'est tout le problème. Si aujourd'hui on prenait tous ces éducateurs qui savent ce que c'est que la grande difficulté et que ces idées, on les mette pour tout le monde, je pense que dans l'éducation, on avancerait. Voilà. Korczak, c'est quelqu'un qui a vraiment pensé pour l'enfant, vraiment en peine. Aujourd'hui, au lieu de s'occuper des enfants en peine, on les met en réussite éducative. On dit, voilà, on va faire un programme spécial pour lui. Non, mais arrêtons de faire des programmes spéciaux pour les enfants. Ils sont là, dans un cadre, et faisons avec cet enfant dans ce cadre. Arrêtons de les sortir du cadre. Alors, on fait des opérations oxygène, non, on rêve. Opérations oxygène dans un collège, mais on rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on enlève des enfants d'une classe parce qu'ils embêtent les profs, on les met à part. Moi, sur l'éducation spécialisée, je pense que c'est très important, mais je suis plus pour l'idée qu'on ait des lieux où ces enfants-là soient aussi avec les autres, pas tout le temps en marge, voyez. Et je pense qu'effectivement, les éducateurs des rues et des spécialisés, ils ont beaucoup de choses à apprendre aux enseignants qui, eux, sont dans une normalité. On en souffre. Vous voyez, si on travaillait avec les éducateurs spécialisés, je pense qu'on apprendrait beaucoup de choses. Oui, bien sûr, mais c'est... Alors, il faut bien faire attention au discours. Il y a ce qu'on appelle le linéaire, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours des choses qui se font bien, toujours. Aujourd'hui, on parle parce que c'est la majorité des choses qui vont mal, vous voyez ce que je veux dire? Il y a 20% de choses qui vont très bien, mais on voudrait que ça passe à 100%. Bien sûr qu'il y a des classes freinées, bien sûr qu'il y a des gens intelligents dans des quartiers, mais il faudrait que ça soit partout. Et le problème, c'est que de partout, on n'y arrive pas. On n'arrive pas, voilà, allez. Merci beaucoup. 30 secondes, chef. Rebonsoir. Bah, il y a un truc qui me chagrine par rapport à l'éducation des enfants, comme on voit à la télé, même je sais que ça existe, c'est que les enfants, ils font la loi sur les parents. Nous, en Algérie, il n'y a pas ça. Hein. C'est pas là. Tu donnes une bonne fessée, il va comprendre. Et enfin, même une fessée psychologique, pas que physique. Mais après, ils montent dans leur chambre, ils claquent la porte, je vais appeler les policiers, je vais appeler maman au secours, enfin, policier au secours, mais c'est quoi ces conneries? Bah, il faut que ça change. Et moi, si j'ai des enfants plus tard, je sais qu'ils me feront pas ça, mais si mon ami, avec sa femme, par exemple, mon meilleur ami Mehdi, il se marie demain avec une Française ou une Arabe, ou je sais pas, n'importe quelle femme, et son enfant, il va appeler la police. Moi, je pense pas, parce que... Non, mais ça devrait même pas exister. Parce que moi, si ça m'arrive, qu'est-ce que je dirais à l'éducation? Je dirais, c'est qui a fait l'enfant? C'est moi et ma femme, c'est pas toi et ta femme. Hein. Au lieu de, comme on dit en arabe... Bon, je vais pas dire de grossièreté. Allez. Bonne soirée. Est-ce que c'est juste une question? C'est quand j'étais adolescent, je lisais beaucoup des livres, une revue qui s'appelait Psychologie, et je lisais beaucoup des bouquins de psychanalyse. Et est-ce que vous avez entendu parler? Je crois que c'est une auteure anglaise qui avait écrit, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était avant 68, « Libres enfants de Summerhill ». Non, mais de toute façon, vous savez, au niveau des livres, il y a énormément, il y a eu « Libres enfants de Summerhill », il y a eu « Lettre à ma maîtresse d'école » de Barbiana, qui est un excellent livre. Il y a eu tous les livres. Il y a eu, dans les années 70, on avait vraiment de très bons livres, de bonnes librairies. Aujourd'hui, on a du mal à les trouver, les livres. Alors moi, je vous conseille la lecture du roi Matthias Ier. C'est pour finir mon intervention. Janusz Korczak a fait des romans pour les enfants. Et il a fait un roman qui s'appelle « Le roi Matthias Ier ». C'est un enfant qui devient roi et qui essaye de se mettre à gouverner son pays. Et en tant qu'enfant, il se rend compte qu'effectivement, c'est pas si facile que ça de gouverner un peuple. Donc, à lire. Hein, vous parliez tout à l'heure de la difficulté. Ben, ce petit garçon... Hein, comment ? Ouais. Alors justement, c'est ça. Ça s'appelle le. La duo. Sur la domination des enfants sur les adultes. Mais il est extraordinaire. Il faudrait le ressortir. Je me souviens plus du tout du titre. Alors c'est pas. Je pense qu'il doit être tiré de ce bouquin. Hein, parce que la fin se termine où le gosse qui le président qui a été élu, il a 11 ou 13 ans. Et le gosse qui s'approche, qui a à peu près son âge, il dit, au fait, le président, il a quel âge ? Vous voyez, avec un petit air de sous-entendu. J'ai trouvé ce film fantastique. Je ne sais pas, mais le roi Matthias Ier, c'est Janusz Korczak. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a une exposition gratuite à la bibliothèque polonaise. Bon, je vous le dis, hein, je fais de la pub. Et pour ceux qui sont enseignants ou animateurs, j'interviens pas mal dans les centres sociaux avec les animateurs, les éducateurs, pour réfléchir justement à cette dimension de la relation avec l'adulte. C'est-à-dire sans chercher de méthode, mais en essayant de réfléchir ensemble. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de... Je pense qu'il y a plein de gens intelligents, hein, Freinet, Montessori, tous ces gens-là sont intelligents, mais maintenant, il faut aujourd'hui, avec notre contexte d'aujourd'hui, il faut qu'on crée. Et ça, c'est tout est à faire. Merci de m'avoir écouté. Merci de vos interventions. À bientôt. Merci beaucoup, Patricia. Alors, on vous remercie beaucoup d'être venus nombreux. On va faire passer une petite caisse qui nous permet, nombreuses, merci, tout à fait, qui nous permet de soutenir la logistique, la sono, les programmes, etc. d'EducPop. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour des prochaines interventions. Maintenant, on intervient seulement sur 2 jours par semaine, le mercredi et le dimanche. Voilà. Il y avait d'autres choses à dire ? Ah oui, bien sûr. Si vous voulez nous proposer une intervention, venez nous parler maintenant ou vous nous envoyez un mail sur debouteducpop@riseup.net. Et on sera ravis de vous inscrire sur le programme, sur n'importe quel sujet que vous voulez, que vous soyez... C'est un sujet qui vous intéresse, vous n'avez pas besoin d'être un expert, n'importe qui, hein, qui a envie de partager avec d'autres un sujet peut venir nous proposer une intervention. Voilà. Et enfin, si des gens veulent faire partie de l'organisation, bien sûr c'est ouvert aussi, donc on a besoin de monde, donc n'hésitez pas à venir nous voir et on vous expliquera comment ça marche. Même si c'est une fois de temps en temps, une fois par semaine, même si c'est 2 heures par semaine, c'est toujours très précieux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous mobiliser avec nous pour que ça continue. On est une des commissions de Nuit Debout qui continue pour l'instant sur la place et c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Oui, Louis. Merci beaucoup pour vos dons.